Turn with me to Psalm 23. Psaume 23. Tournons. Psalm 23. Psaume 23. The Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. Wow. Wow. You see, you must allow the Lord to be your shepherd. Tu dois laisser l'Éternel être ton berger. I'll give you an example. Je vous donne un exemple. The most important ability in Jésus qui guérit Mission Internationale is for the Lord to be your shepherd. La capacité. What does it mean the Lord is your shepherd? Ça veut dire quoi quand on dit l'Éternel est mon berger? It means you are not thinking for yourself. Ça veut dire tu ne penses pas pour toi-même. It means you are not thinking for yourself. Ça veut dire tu ne penses pas pour toi-même. The Lord is thinking for you. C'est l'Éternel qui pense pour toi. Amen. Amen. The Lord is doing what? L'Éternel fait quoi? He is leading you through the fields. C'est lui qui te dirige dans le champ. Full of what? Snakes. Plein de serpents. Scorpions. Des scorpions. Frogs. Les grenouilles. Lions. Les lions. Yes. Oui. So when he says the Lord is my shepherd, quand il dit, l'Éternel est mon berger. The next thing is that ce que suis, I ce que shall not want. Je ne manquerai de so rien. All the serpents of poverty, tous les serpents de pauvreté, that will bite your foot, qui me montrent mordre. Painfulness of poverty, le douleur de pauvreté, that will take away your money, qui va ôter de toi ton argent. Hein? Are taken away by you not thinking. C'est quand tu ne penses pas and toi-même trusting et tu the Lord as your shepherd. Et tu te confies dans l'Éternel comme ton berger. Tu ne réfléchis pas pour toi-même. Today, aujourd'hui, I have prospered so much that I have a car. J'ai prospéré jusqu'à ce que j'ai une voiture. But mais I did not get my car. Je n'ai pas eu ma voiture. By the way I thought I would get my car. À travers la manière dont je pensais que j'allais avoir une voiture. I got it by being in the ministry. J'ai eu ma voiture étant dans le ministère. That's not how I thought I would have a car in my life. Je n'ai pas pensé que j'allais avoir une voiture comme cela dans ma vie. Wow. Is it not amazing? It's amazing. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Trusting the shepherd. Se confier dans le berger. How many would mind an experiment? Combien aimerait we avoir une expérience? Anti-snake venom here. Nous avons un venin anti-serpent, contre-serpent. We want to take you outside. J'aimerais te mettre dehors. They caught a cobra recently over here. I'm sure. Récemment, ils ont vu un cobra à côté là. I'm sure the child is there. Je suis sûr que son enfant est là. So that we can have a bite and we'll give you the. It is snake venom. Comme nous avons le venin anti contre serpent, on va t'amener là-bas, ça va te montre, après on va te donner le médicament. Qui aimera aller? Who would like to try? Qui aimera essayer cette expérience? Élève ta main. Ladies first. Les dames d'abord. There are more sisters than brothers, so. Il y a plus de sœurs que de frères, donc les dames d'abord. Now, maintenant, would you rather prefer somebody to lead you to avoid this snake, avoid the snake, avoid the est-ce que tu aimeras que quelqu'un te dirige pour éviter les serpents, éviter les serpents, éviter les serpents? Like, your life is likely to be better. Ta vie sera mieux. Than to be bitten with treatment, bitten with treatment. D'être mordu, on te traite, tu es mordu, on te traite encore, tu es mordu. So God wants to lead you. Dieu veut te diriger. And he leads you il te dirige away, loin de away, if you trust him. Si tu te confies en lui. Kenneth Hagin said something. Kenneth Hagin a dit quelque chose. The most important ability of a Christian is the ability to be led by the Spirit. La capacité le plus importante d'un chrétien c'est la capacité d'être dirigé par le Saint-Esprit. Parmi the tout, most important ability parmi toutes les capacités is the ability to be led by the Spirit. La plus importante c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. And I think so. Et moi aussi je pense comme ça. C'est vrai. It's not your ability to shoot with a gun. Ce n'est pas ta capacité de tirer avec un pistolet. It's not your ability to sing. Ce n'est pas ta capacité de chanter. I don't know how to sing. Je ne sais pas comment chanter. It's not your ability to ride a horse. Do you know how to ride horses? Vous savez comment monter un cheval? Ce n'est pas la capacité de monter un cheval. It's not your ability to swim. Ce n'est pas ta capacité de nager. It's not even your ability to pray. Ce n'est pas ta capacité de prier. Wow. Your ability to be led. Ta capacité d'être dirigé. By the Spirit is the most important ability. Par l'esprit, c'est la capacité la plus importante that you ever need to have. Que tu auras besoin dans ta vie jamais, as jamais. A minister en tant que ministre of the gospel, de l'évangile, and as a believer, en tant que croyant, to be led, être dirigé by the Spirit, par le Saint-Esprit. Yes. Oui. Because that's the master key to deliverance. Parce que la clé from all the problems in this world, la clé maîtresse, God leading you. La clé maîtresse de ta délivrance. The Lord is my shepherd. C'est que Dieu te dirige. Number one, what is going to happen? I shall not want. L'Éternel est mon berger. Première chose, qu'est-ce qui va se passer? Je ne craindrai de. Ok. Most Christians are in need. Beaucoup de chrétiens sont dans les besoins. Most of us are in need. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en besoin. True or not true? C'est vrai ou c'est pas vrai? But do you believe that being led by the Spirit can take you out of poverty? Est-ce que vous croyez que être se laisser diriger par l'Esprit peut te faire sortir de la pauvreté? You see, when I have a church with only young people, first oui. Love. Quand j'ai une église avec des jeunes. It doesn't make sense. Ça, but financially, they don't have anything. Parce que de manière financière, ils n'ont rien. If tomorrow you see that some of those young people, si demain tu vois ces jeunes là, are prospering, devenir prospères. Recently, one of my young children. Récemment, un de ces jeunes enfants. Is, he was advised, honor your father. Il était conseillé de honorer son père. And he came to see the pastor. I said, I don't know what to say. The pastor said to him, go and sit by your father. Et il était venu voir le pasteur. Le pasteur lui dit, va t'asseoir à côté de ton père. And talk to him. Et parle avec lui. Hey. Hey. He said, talk to him. Faut parler avec ton père seulement. Nobody wanted to mind the father. Personne ne voulait parler avec but son père. In the First Love Church, we are always telling the children. Dans l'église de First Love, on parle, on dit aux enfants. Honor your father. Honore ton père. Become friends with your father. Deviens ami avec ton like père. The father has children abroad. So many. Son papa avec des enfants à l'étranger. Just died. He gave everything to the boy. Son père vient de mourir. The boy is now a millionaire. Il a tout donné à son enfant. Son enfant est devenu milliardaire maintenant. The other children came from abroad. Les autres sont venus de l'étranger. Who have not minded him for so many years. Qui ne regardent même pas leur père pour des années. They came when they heard that. Ils sont venus quand ils ont entendu que l'homme était mort. They saw the will. Ils ont vu le testament. This for you. This for you. Ça this, c'est pour everything toi. Is for you. Tout ce que l'homme possédait est pour son enfant, un petit garçon. And recently, et récemment, I needed something. J'avais besoin de quelque chose. And I was surprised that. Et j'étais surpris. No one else personne but this young boy. Que ce jeune homme. The person was able to help me. C'était lui qui m'a aidé. And you wonder, these people, what can they ever do for you? Mais vous allez penser, mais ces petits. Already, I've started to see the signs. Déjà, j'ai commencé these, à voir des signes. These small boys and girls. Que les petits garçons, petites filles. They may be the very people that you think is nothing. Ils peuvent être les personnes que vous pensez qu'ils ne sont personne, rien. We are too led by human things. Nous sommes trop dirigés par des choses humaines. Yeah. Oui. You see, even a woman. Même une femme. When you look at your husband. Quand tu regardes à ton mari. Somebody who maybe you are wiser than. Peut-être quelqu'un, tu es plus sage que lui. More spiritual than. Plus spirituel que lui. Bigger than physically. Physiquement, tu es plus grosse que ton mari. You even look at it and say, hey. Tu regardes ça et tu dis, hey. Why should I kowtow to this man? Pourquoi est-ce que je dois me soumettre à cet homme-là? Why should I kowtow? Pourquoi est-ce que je dois kowtow à cet homme-là? Do you know kowtow? Se soumettre. What does it mean, kowtow? Ça veut dire quoi? Se soumettre. To kneel down, to bow. Ça veut dire se mettre à genoux ou bien prosterner, se prosterner. But you'll be surprised. Tu serais étonné. You look at your father. Tu regardes à ton père. I said, my father is not a good father. Mon père n'est pas un bon père. Why should I kowtow to him? Pourquoi est-ce que je dois faire des crobettes? Why should I mind him? Pourquoi est-ce que je dois même le regarder? Why should I honor such a man? Pourquoi est-ce que je dois honorer un tel homme? Never look after me since I came into this world. Il n'a jamais pris soin de moi depuis que j'étais né. I would even change my name. I don't want my father's name. Je vais name. Même changer mon nom. Je n'ai pas besoin du nom de mon père. But as many as are led by the shepherd. Mais ceux qui sont dirigés par le berger. You shall not want. Tu ne manqueras de rien. You shall not want. Tu ne manqueras de rien. God is my shepherd. L'Éternel mon berger. I shall not want. Je ne manquerai de rien. Wow. Wow. The Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. So as I'm doing Jesus mission international. Alors que nous sommes en train de faire mission internationale. I believe that I am being led by the shepherd. Je crois que je suis être en train de diriger par le berger. It may sound bigger to be one lighthouse chapel, the biggest whatever all over the world, this, but I believe that I'm being led by the Spirit. Quand vous entendez cela, c'est comme si ça serait le plus grand église lighthouse dans le monde entier, mais moi je crois que c'est l'Éternel qui me dirige. Maybe if I'm not to do this, the church will break on its own. Peut-être si je ne fais pas cela, l'église va se briser elle-même. Yes. Maybe I'm avoiding snakes. Peut-être je suis en train d'éviter les serpents. And scorpions. Et des scorpions. That want to bring something painful to the church. Qui veulent amener quelque chose de pénible, douloureux dans l'église. Yeah. Oui. Dragons are being swept. Nous sommes en train d'éviter les dragons. Many of us have stepped on serpent throughout our life. Every year you step on one snake. Every year you step on a snake. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de piétiner des serpents. Some of you have been stepping on snake for the last 7 years. You have stepped on a snake every year. A different to this year, green one. Tomorrow, black. Tomorrow, red. Tomorrow, blue. Certaines personnes, chaque année, ça fait déjà 7 ans. Chaque année, tu piétines un serpent. Serpent de différentes couleurs. Serpent brun. Serpent vert. Serpent rouge. Tu piétines chaque année des serpents. This year marks the end of stepping on snakes in your life. Cette année, c'est la fête. Tu ne vas jamais piétiner un serpent au nom de Jésus. Amen. Amen. Look. Écoutez. God has the next step for your life. Le pas prochain dans ta vie est dans la main de Dieu pour toi. Can I tell you? Est-ce que je peux te dire quelque chose? When you are following fear, quand tu suis la peur, you are following a demon. Tu es en train de suivre un démon. Yes. Oui. Anytime you are following, like you are doing something because you are afraid. Chaque fois que tu fais quelque chose parce que tu as peur, you are following and a spirit. Tu suis un esprit. God has not given us the spirit of fear. Mais Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. It's not a feeling, it's a spirit. Ce n'est pas un sentiment, c'est un esprit. All my life, toute ma vie, anytime I notice I'm afraid of something, chaque fois je remarque que j'ai peur de quelque chose, I note that thing. Je remarque la chose, je dis. Usually, I'll take a decision to do that particular thing. Je prends une décision de faire la chose dont I've j'ai learned peur. That j'ai appris. There is something good there. Il y a quelque chose de bon là-bas. And the lion spirit has gone to stand at that place. Et l'esprit de lion est allé tenir là-bas. And he say, wow, il dit, wow, come here, wow, ne viens pas ici, wow. But that is where your blessing is. Mais ta bénédiction se trouve là-bas. Wow. You will die there. Wow. Tu vas mourir là-bas. Wow. Yeah. Oui. True. C'est vrai. All through my life, toute ma vie, I've seen it. J'ai vu cela. When you see that something is coming to frighten you, quand tu vois quelqu'un vient t'effrayer, That's it. C'est ça même. C'est un signe. The fact that they've gone to stand there to protect that place. Ils sont allés protéger ce qui est là. A sign that there's something there. Il y a quelque chose là-bas. Quel est ton nom? Alfred. Wow! Look, regarde quelque chose. Regarde quelqu'un. Oui. Almost every good thing. Toute chose qui est bon. Yeah. Oui. It's right at the place that you are being frightened. Et là, l'endroit où dont tu as peur, c'est là. So Jésus Kikeri mission internationale. Jésus Kikeri. La mission internationale Jésus Kikeri is going to go to towns. Elle va aller dans les villes, les endroits. People are traditionally afraid of going to those. Où les gens de manière traditionnelle on peur. Guinea is bowing before us in the name of Jesus. La Guinée se prosterne devant nous au nom de Jésus. Senegal is bowing in the name of Jesus. Le Sénégal se prosterne devant nous au nom de Jésus. Mali is bowing in the name of Jesus. Mali se prosterne au nom de Jésus. Burkina Faso is bowing in the name of Jesus. Le Burkina Faso se prosterne au nom de Jésus. Niger is bowing in the name of Jesus. Le Niger se prosterne au nom de Jésus. Chad is bowing in the name of Jesus. Le Tchad se prosterne au nom de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire is bowing in the name of Jesus. La Côte d'Ivoire se prosterne au nom de Jésus. Gabon is bowing in the name of Jesus. Le Gabon se prosterne au nom de Jésus. Cameroon is bowing in the name of Jesus. Le Cameroun se prosterne au nom de Jésus. Togo is bowing in the name of Jesus. Le Togo se prosterne au nom de Jésus. Benin is bowing in the name of Jesus. Le Benin se prosterne au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Central Africa Republic is bowing in the name of Jesus. La République de Centrafrique se prosterne au nom de Jésus. Congo is bowing in the name of Jesus. Le Congo se prosterne devant nous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Isaiah 45. Ésaïe 45. Isaiah 45. Ésaïe 45. Thus saith the Lord to his anointed. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Cyrus. Cyrus. Whose right hand I have holding. Qu'il tient par la main. To subdue the nations. Pour terrasser les nations. Before him. Devant lui. I will loose the loins of kings. Je vais relâcher la ceinture des rois. And I will open before him the two-leaved gates. Pour lui ouvrir les portes. Hey! Hey! And the gates shall not be shut. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Whatever nation we declare the gate cannot be shut anymore in Jesus' name. N'importe quelle nation, je déclare les portes ne seront plus fermées au nom de Jésus. I will go before thee. Je marcherai devant toi. Mission internationale. Jésus qui guérit. I will go before thee. Je marcherai devant toi. And I will make the crooked places straight. J'aplanirai les chemins monteux. And I will break in pieces the gates of brass. Et je romprai les portes d'airain. Every brass gate that is holding us away from Kisidugu and Inzerikori and Kapskaren. And Masenta. Et Masenta. And Mamou. And Gekedu. Gekedu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We break that gate now. Nous brisons les portes derrière maintenant au nom de Jésus. And I will cut in sunder the bars of iron. Et je briserai les ferrous de fer. Receive it. You are stepping in the name of Jesus. Recevez-le au nom de Jésus. Stepping in the name of Jesus. Au nom de Jésus. You are stepping in the name of Jesus. Tu es en train de marcher au nom de Jésus. Verset 3. And I will give thee the treasures. Je te donnerai des trésors. Of darkness. Cachés. Hidden riches. Des trésors cachés. Of secret places. Des places secrètes. That thou mayest know that I, the Lord, which call thee by name, am the God of Israel. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Hallelujah. Hallelujah. God. Dieu. Has no plans for you to be poor. Il n'a pas de plan pour toi d'être pauvre. as you break through the gates, alors que tu transperces the nations, les portes des nations, the demonic barriers, de toutes les barrières démoniaques, that are holding multitudes in captivity, qui sont en train de tenir les captifs en captivité. As you enter, alors que tu entres, you will be shocked to find, tu seras choqué de trouver treasures of darkness, les trésors des ténèbres, and riches of secret places, les richesses des endroits secrets. Being handed over to you. On va vous donner toutes ces choses. Receive the riches of hidden places. Recevez les richesses de, of darkness. De les trésors des ténèbres. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Wow. Wow. Wow. You see, people don't know. I'm telling you. Oui, les gens ne sont pas. If you don't believe in prosperity, si tu ne crois pas dans la prospérité, you have made a mistake. Tu as fait une erreur. There is no aspect of serving God that is associated with poverty. Il n'y a pas d'aspect de servir Dieu qui est associé avec la pauvreté. There is no poverty here. Il n'y a pas de pauvreté ici. And I declare there is no poverty in your life again. Amen. Je déclare il n'y a pas de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Whatever grace is here, you are receiving it in Jesus' name. Toute grâce qui se trouve ici, tu es en train de recevoir au nom de Jésus. The grace of God to build the church is upon you today. La grâce de Dieu pour construire l'église est sur vous aujourd'hui. The treasures of darkness are being handed over to you by your surprise. On te donne tous les trésors de ténèbres maintenant même au nom de Jésus. You will drive cars you never buy. Tu vas construire des voitures que tu n'as pas achetées. You will fly to places and you will never buy the ticket. Tu vas prendre des avions, aller aux endroits sans payer des billets d'avion. You will be upgraded into first class without understanding why. Tu seras élevé dans première classe dans l'avion que tu n'as jamais pensé au nom de Jésus. You'll be receiving the keys for a house that you never built. Tu vas recevoir les clés des maisons que tu n'as jamais construites. Wicked men will give you their riches and their treasures. Les hommes méchants vont te donner leurs trésors au nom de Jésus. Wicked men will give you their hidden treasures. Les hommes méchants vont te donner leurs trésors cachés. One day. Un jour, my son was going to from London to Belgium. Mon fils voyageait de Londres en Belgique to do the church. Pour commencer l'église. Every week he was going, and he met a man. Il a rencontré un homme. He's not a Christian. Il n'est pas chrétien. He belongs to another religion. Il appartient à une autre religion. Our brothers. Nos frères. And when the man asked him, et quand l'homme l'avait demandé, what do you do? Qu'est-ce que tu I fais? I see you here every Je te week. Vois ici chaque semaine. He said, oh, I'm a pastor. I'm going to preach. Lui dit, je suis pasteur. He said, wow. Il dit, wow. I'm impressed. Then he upgraded him. Je suis impressionné. To first class and upgraded him every week for 2 years. Il a élevé. He's not a Christian. Il n'est pas chrétien. Il lui dit à partir d'aujourd'hui, tu auras première classe dans l'avion tous les temps pour 2 ans. Receive supernatural assistance from places that you never expected. Recevez cette élévation surnaturelle au nom de Jésus-Christ. The treasures of darkness. Les trésors du ténèbres. One day, un jour, a man was watching the television. Un homme regardait la He's télévision. Not a member of our church. Il n'est pas membre de notre église. And he owns a certain business. Et c'est lui qui est propriétaire d'une certaine entreprise. Not a member of our church. And he gave an offering. Et il a donné une offrande. That is the highest offering an individual has ever given. He never joined. He just saw it on television. What I preach, I was preaching urgency. J'étais dans le the largest offering ever given in our church. Je prêchais sur l'urgence, il regardait la télé, il a donné la plus grande offrande par un individu dans l'église depuis le commencement de l'église. C'est ça? Men you don't know. Les hommes que tu ne connais pas. To like you and choose you and bless you. Les gens que tu connais pas vont te choisir, t'aimer et te bénir au nom de Jésus. Those who don't believe in such things, ceux qui ne croient pas, you can please go outside now. Vous pouvez sortir maintenant. I'll open the gates for you, says the Lord. Je vais ouvrir les portes pour toi. Open the gates for you, says Je vais ouvrir les portes pour toi, et ainsi dit l'Éternel. The master key to avoiding the snakes of poverty. La clé maîtresse pour éviter les serpents de pauvreté. To follow the shepherd. Suivre le berger. He knows where the snakes are. Il connaît où se trouvent les serpents. Can you imagine you are going to step on a group, not one snake, a group of snakes. Black snake all together, and you're just about to step on it. Tu peux imaginer, tu es sur le point de piétiner un groupe de serpents. And the Lord is standing and he says, L'Éternel est là, il dit, come my dear, this way. Viens mon cher, viens, passe ici. I say, oh no. Tu dis, oh non. No. No. And you stop here like that. Tu te tiens ici. I said, come this way, my dear. Il dit, viens ici, mon cher. No, that doesn't make sense. Tu dis, non, this non, makes ça sense. Fait pas de sens, c'est ici you que je vais passer. Put your leg into... Tu mets ton pied là. Many people have stepped on serpents. Beaucoup ont piétiné des serpents. Yes, you may get antivenom, but oui. No one here offered to try that experiment. Oui, c'est vrai qu'il existe les venins contre les serpents, mais personne ici ne voulait essayer l'expérience. One day, un jour, I was invited to preach in Malaysia. J'étais invité à aller prêcher en Malaisie. Le pasteur a envoyé un homme d'affaires pour venir me chercher dans mon hôtel. So when he came for me, quand il était venu, the two of us, c'était nous les deux. Early in the morning for men's prayer meeting. On partait petit bonheur pour la prière de réunion des hommes. So I started to talk to him. J'ai commencé à parler avec lui. And he told me about his life. Et il m'a expliqué sa vie. And he said he was not a serious Christian before. Il n'était pas un chrétien sérieux avant. One Sunday, un dimanche, he went to the river to swim. Il est allé nager dans un fleuve. Under a waterfall. Sur une chute d'eau. He said it's a very beautiful waterfall. C'est très joli la chute d'eau. The river comes like that. La fleuve passe en haut. Then it drops on him. Ça chute sur les joues. Sunday, he was enjoying. Dimanche matin. Il était là, dans les cascades, en train de all nager. Snakes can swim. Tous les serpents savent nager. And all snakes can kill. Et tout serpent peut tuer. From the day they are born. À partir du jour où il était né. And there was a snake in the river. And it was like this. Il y avait un serpent dans l'eau. Le serpent venait comme ça. It came down in the water. And the man was enjoying it. L'homme était dans l'eau, être and content. The snake came on him like a necklace. Le serpent est venu and it comme un bijou sur le cou. Wrap around him and bit. Le serpent s'est emballé de l'homme là et puis l'a mordu. He told me, et il a dit, you see, that's what I'm saying, that c'est pourquoi God knows how to avoid it. Dieu il connaît better. Comment éviter le mieux. Il n'est pas mort. But he said that he was taken to Malaysian intensive care for 6 weeks. He was on oxygen. Il était envoyé aux soins intensifs Malaisie. Il était sur oxygène. Between coma and out of coma. Il était en coma for 6 weeks pour 6 semaines sur oxygène. And he said to me, half of his body skin and the meat half came off. Moitié de sa chair son sorti de tomber. Half of his skin came la moitié off. De sa chair, sa yes. peau. You see, many people have stepped on beaucoup serpents, ont piétiné des serpents. Half of their life is off. Financier, moitié half de of their vie. Life is off. Déjà, they are on oxygen, either about to die or live. Sous le point half, de mourir, half. Bien, vous êtes en coma moitié. From today. À partir d'aujourd'hui. Anyone balancing between life and death, receive a healing in Jesus' name. You shall live and not die. Financially, you are alive. Toute personne qui est pendue entre la mort et la vie, tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Never think that God wants you to be a poor person. Ne pense jamais que Dieu veut que tu sois une personne pauvre. It is you who is not following him. C'est toi qui ne suis pas le berger. It is you who is every day stepping on snake after snake after snake. C'est toi qui piétines serpent après serpent après serpent. There is trying to say, come. Le berger. No, no, you God, you are not God. Do you know economics? God, do you know ECOWAS? God, you understand? Le berger dit, viens, tu dis, hey, Dieu, va-t'en, est-ce que tu connais les sciences économiques, est-ce que tu connais UMO? Je pars comme ça. Wow. Wow. You think God doesn't want you to marry? Tu penses que Dieu ne veut pas que tu te maries? God is the eternal matchmaker. Dieu est celui qui met les choses les gens ensemble. It is God, not a man. C'est Dieu. It is not good for this man. Dit, I'm organizing a woman for the man. C'est Dieu God qui a dit. The original organizer of beloved. Dieu est l'organisateur original des bien-aimés. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui a mis les gens ensemble. The original organizer of beloved. L'organisateur originel des bien-aimés. The one who brought a beloved for Adam. Celui qui a mené une bien-aimée à Adam. The organizer of the first wedding. L'organisateur des premiers mariages. No other than your heavenly father. C'est personne d'autre que ton Père Céleste. Power that he has to organize the best suitable wife or husband for you. Pour chercher une he still has up. That power. Il a toujours cette puissance en lui. And that power is working in your life today in the name of Jesus. Et cette puissance là œuvre dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Wow. Wow. You have the best beloved. Tu auras le meilleur bien-aimé au nom de Jésus. You have the best beloved. Tu auras le meilleur bien-aimé. God is the original organizer of beloveds. That is why I help people to get beloveds well, because I want to be like that. I want to be like God. I want to help people. Dieu, il est l'organisateur originel des bien-aimés. C'est pourquoi j'aime les gens pour avoir des bien-aimés, parce que je veux être comme Dieu. God's heart for you is marriage. Le cœur de Dieu pour toi, c'est ton mariage. And I bless you today with many marriages. Je vous bénis aujourd'hui avec plusieurs mariages. In Mission International, Jésus qui guérit. You are never too old to marry. Dans la mission internationale, Jésus qui guérit, personne ne sera plus âgé et trop âgé pour se marier. You will marry and have children in Jesus' name. You will marry and have children in Jesus' name. You will marry and have children in Jesus' name. You will marry and have children in Jesus' name. You will marry and have children in Jesus' name. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants au nom de Jésus. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants au nom de Jésus. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants au nom de Jésus. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants au nom de Jésus. Original finder of beloved too. J'ai dit celui qui trouve de manière origine les biens aimés. When he looked at Adam, he said, "You know, I'm going to get a beloved for you." Quand il a regardé Adam, il a dit, "Écoute-moi, je vais te chercher un bien-aimé." I'm going to find a beloved for you. Dieu a dit à Adam, "Je vais te chercher un bien-aimé." You are too lonely. Tu ressens trop la solitude. Original. C'est lui le origine, le Dieu origine. Origine. Psalm 23. Psaume 23. The Lord is my shepherd. I shall not want or need even a beloved. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même un bien-aimé, une bien-aimée, je ne manquerai pas. He maketh me to lie down in green pastures. And he leadeth me by the still waters. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. He is the one who is making your bed for you, where to sleep. Celui qui est en train de préparer ton lit pour toi, là où tu vas dormir. Is the organizer of where you sleep. Celui qui est l'organisateur de même là où tu vas dormir. A nice place to sleep. Une place si jolie où tu vas dormir. You see, a nice place is not created by just the bed. Vous voyez, les endroits jolis, ce n'est pas les lits qui créent les endroits jolis. But by the person who is there. C'est par la personne qui est là. Every woman creates what we call an environment. When the person comes, creates what we call an environment. Chaque femme crée ce qu'on appelle l'ambiance. Récemment, I was on a flight. J'étais dans un vol. On one of these airlines. Sur un vol, un de ces. Where I was sitting was a nice place. Là où j'étais était très joli. It was a good chair. Il y avait une bonne chaise. Beautiful, everything. Tout était joli. But the air hostess. Mais l'hôtesse. On the flight. Sur l'avion. She created an environment. Elle avait créé une ambiance. Didn't make even the cost of my seat. Was not appreciated. It was not good. Elle avait créé because of the environment that this woman created in the place. Elle avait créé un environnement jusqu'à ce que même le prix de la chaise que j'ai payée, je n'ai pas apprécié ça. I was in a nice place, but she created an environment. Elle a créé cet environnement. Yes. Oui. So I had two flights. The first part and the second part. Donc, j'avais deux vols, premier vol, deuxième vol. The first part, le premier part, there was this lady, il y avait une dame, who created, I wouldn't even call it a negative, she was not negative, elle n'était pas négative, but uncomfortable. Mais elle était quelque chose, je ne supporte pas, inconfortable. Environment. Un environnement, ambiance inconfortable. The second leg, the person was created a different environment. Le deuxième vol, la personne a créé un environnement différent. More gentle. Elle était doux, caring, elle était. Whatever you need. Souriant, prenez soin de vous. Not disturbing us. Elle ne dérange pas. We are not in a hurry. Elles ne sont pas trop pressées. We are not angry. Elles ne se fâchent pas. I'm serving you. Elle nous servait. Never feel tired. Elle n'est jamais fatiguée. In the end, I was enjoying the environment, and I said to her, "What church do you go to?" À la fin, j'étais si content. I normally don't ask them what. Je lui avais demandé, tu fréquentes quelle église? Bah, normalement, je ne demande pas aux gens cette question. But the other one, et l'autre là, I didn't ask any question. Je n'ai pas demandé même une question à elle. So when the Bible says, it makes me lie down in green pastures. Quand la Bible dit, he's choosing the nicest environment for you. Quand la Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Ça veut dire qu'il choisit le bon environnement pour toi. Hey! Some people are suffering in the house. Certaines personnes souffrent chez eux. One day, un jour, one of my church members was a policeman. Un des membres de mon église était un policier. And et he received an emergency call. Il a reçu un appel d'urgence. Come to this house. Il faut venir dans cette maison. Not in Ghana, abroad. Pas au Ghana, mais à l'étranger. So when he went, quand il était parti, he opened the door. Il a ouvert la porte. It was a man and a wife. C'était un homme avec son épouse. And they were having quarrels. Ils se querellaient. And she. He said to the policeman told me. Et le policier said, m'avait dit. The frogs were. Les grenouilles. So the frog gathered the people to battle. Parce que les grenouilles, ils rassemblent les gens pour se combattre. And the woman. Et la femme. Was very big. Elle était grosse. The man was small. In the l'homme house. Était mince et petit. As soon as he entered the house, dès que le policier rentrait dans la maison, the woman la femme told him, a dit au policier, what do you want? Qu'est-ce que tu cherches ici? What do you want here? Qu'est-ce que tu cherches ici? He said, I had a call. You are having a problem. Et le policier dit, j'ai reçu un appel. Vous avez un problème ici? Is it a marital problem? C'est un problème conjugal. The woman told the policeman, idiot. La femme a dit au policier, idiot. She asked him, are you married? Il a demandé au policier, tu es marié? What do you know about marriage? Qu'est-ce que tu connais de mariage? And she started insulting him. Elle a commencé so he was even afraid because the woman was very big. Le policier dit il avait peur parce que la femme était grosse. The man was quiet. L'homme était calme. So he told me, he said, on my radio, on my radio, I have a red button for emergencies. In the case of emergency, I press it, and any nearest policeman will come to me. Et l'homme a dit sur ma radio, j'ai un bouton rouge. J'appuie sur ça pour le cas d'urgence. Et s'il y a un policier à côté, il vient à mon secours. So he said, the way the woman was, he pressed the red button. Donc, il dit, la manière dont la femme se comportait, il a appuyé sur le bouton rouge. Yes, he pressed it. Il a appuyé. And it was a few minutes that another policeman came. Dans quelques minutes, les autres policiers sont venus. Un autre policier était venu. He said the woman routed them. Elle dit, la femme, elle rugissait. The woman was tormenting the man. La femme tourmentait son mari à la maison. It was the man who called the police. C'est le mari qui avait appelé le policier. She routed the first one. Elle a rugi. Idiot. Il a dit idiot. When the second one came, deuxième était venu. Il a dit idiot. Stupid man. Tu es stupide. Are you married? Est-ce que tu t'es marié? Get out of my house. Sors de ma maison. All the two policemen. Vous les deux sortez. Out. Les deux policiers sortez. And the man was staying quiet. Le mari était toujours là calmement. Is it a green pasture? Is it a green pasture? Est-ce ça? Is it a green pasture? Est-ce que God is giving you green pastures? Dieu te donne des verts pâturages. And he leadeth me by still waters. Il me dirige auprès des eaux paisibles. You will not hear the noise of fear. Tu ne vas pas entendre le bruit de la If peur. You follow, he restores my soul. Si tu le suis, il dit, il restaure mon And âme. And he leads me in the path of righteousness. Il me dirige dans la paix de justice. When you follow the Lord, it becomes easier and easier to serve him. Quand tu suis le Seigneur, ça devient facile à le servir. Many of the things you are struggling with today. Tu luttes avec beaucoup de choses aujourd'hui. You will not be struggling with them soon. Tu ne vas plus lutter avec ces choses bientôt. Initially, it is hard. Au commencement, c'est difficile. It becomes easier. Ça devient facile. Because he keeps on leading you in the path of righteousness. Parce qu'il te dirige leading you the path of righteousness. Dans les pas de justice. You see that at first you are always a thief, but gradually I see that you stop stealing or you steal less and less until you don't steal again. Tu vas voir, il te dirige dans les sentiers de la justice. Donc si tu étais voleur, tu vas voir que tu vas voler moins, moins, moins, moins. Et puis tu ne vas plus voler au nom de Jésus. Wow. Wow. You see that you are known as a master woman fornicator. Tu vas voir que tu es déjà connu comme un homme qui fornique. Tu es maître fornicateur. Abidjan mattress. On t'appelle matelas d'Abidjan. Togolese mattress. Matelas togolais. Gabonese mattress. Matelas gabonais. Matelas du Gabon. But with time, mais avec le temps, you will become a Gabonese wall. Tu vas devenir un mur de Gabon. You become a Togolese wall. Tu vas devenir un mur de Togo. People cannot enter. Les gens ne peuvent pas pénétrer. Instead of a mattress, you are now a wall. Au lieu d'être un matelas, tu deviens un mur. Receive it in the name of Jesus. Recevez le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Wow. Is it amazing? Est-ce que c'est étonnant? Is it fantastic? It's fantastic. Est-ce que c'est fantastique? On dit c'est fantastique, c'est fantastique.